Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, il leur dit ces paroles qui depuis 2000 ans résonnent encore dans le cœur des hommes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. À tous ceux qui luttent contre la misère, à tous ceux qui sèment la joie sur la terre, ce message est pour vous. Heureux, heureux êtes-vous. Le bonheur se construit pas à pas, un chemin vers demain, une main dans sa main. Le bonheur s'y grandir peu à peu, ici-bas. Le bonheur se construit deux à deux, un regard échangé, une parole partagée. Le bonheur, c'est oser peu à peu être heureux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. À tous ceux qui gardent une lueur d'enfance, à tous ceux qui soufflent un vent d'espérance, ce message est pour vous. Heureux, heureux êtes-vous. Le bonheur se construit pas à pas, un chemin vers demain, une main dans sa main. Le bonheur, c'est grandir peu à peu, ici-bas. Le bonheur se construit deux à deux, un regard échangé, une parole partagée. Le bonheur, c'est oser peu à peu être heureux. Heureux ceux qui pardonnent, ils seront eux aussi pardonnés. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. À tous ceux qui suivent l'étoile éternelle, à tous ceux qui ouvrent des routes nouvelles, ce message est pour vous. Heureux, heureux êtes-vous. Heureux ceux qui portent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. À tous ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, à tous ceux qui savent encore dire je t'aime, ce message est pour vous. Heureux, heureux êtes-vous. Le bonheur se construit pas à pas, un chemin vers demain, une main dans sa main. Le bonheur, c'est grandir peu à peu, ici-bas. Le bonheur se construit deux à deux, un regard échangé, une parole partagée. Le bonheur, c'est oser peu à peu être heureux. Jésus leur disait aussi : Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Aimez vos amis, mais encore plus vos ennemis. Demandez, vous recevrez. cherchez, vous trouverez. Partagez avec ceux qui n'ont rien. Ne vous préoccupez pas de demain. Vivez en homme nouveau.